Let's go strolling in the clouds. Grab a handful, it's allowed. Clouds are made of cotton candy. Just keep your umbrella handy, 'cause there's a hard rain gonna fall. Humbugs, gumdrops, and NSC balls. Some others too. A world of our own. A place to escape to. The world of our own. Where we can be free. Wherever you go. Wherever life takes you. Roman, BD, livre pour enfants, documentaire, livre pour enfants ou guide de voyage, c'est qui ou quoi ? Une heure pour parler de livres sur Radio Dio, des livres à lire demain toute la journée ou ce soir avant d'aller se coucher. Alors, bonsoir à tous. Une première émission de 2024 ce soir de Qui ou quoi. Une émission spéciale, comme il y en a à peu près une fois par an, voire deux fois par an, des fois, les bonnes années. Une émission, donc, laissée aux mains de Tiffaine. Bonsoir, Tiffaine. Bonsoir, Axel, et merci pour ton invitation. Alors, je ne vais pas dévoiler de quoi tu vas nous parler, même si tout à l'heure, Dominique, dans La Nuit des Temps, nous a donné quelques indices. Je te laisse les clés et à toi l'émission de ce soir. Eh bien, merci beaucoup. Alors ce soir, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'un roman. Un roman écrit par Jonathan Little qui s'appelle Les Bienveillantes. C'est un roman monumental de 900 pages qui a été écrit en français par un auteur franco-américain qui a été publié en 2006 aux éditions Gallimard. Alors ce roman a eu un énorme succès puisque... à partir de sa sortie, 700 000 exemplaires ont été vendus en un an dans le monde. Jonathan Little est donc franco-américain. Il est le fils notamment de Robert Little, qui est lui américain et issu d'une famille de juifs immigrés aux États-Unis. Ce roman, écrit à la première personne, est l'autobiographie fictive d'un officier SS qui s'appelle Maximilian Haue. On le suit, ce personnage, de 1941 à 1945, donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est alors âgé de 25 à 30 ans et va participer activement au génocide des Juifs. C'est une œuvre monumentale, donc très érudite, et aussi une reconstitution historique d'une finesse et d'une précision absolument impressionnantes. Pour l'écrire, l'auteur a voyagé, lu et visionné beaucoup d'archives. Il a fait un travail absolument énorme durant 5 ans. Et le roman foisonne d'énormément de détails sur l'anéantissement des Juifs, la défaite militaire allemande et l'idéologie nazie. Il a obtenu, à sa sortie en 2006, le prix Goncourt et plusieurs autres prix littéraires. Et pourtant, il y a eu aussi des réactions parfois très négatives. On a notamment accusé Little de complaisance parce qu'il a choisi le point de vue d'un bourreau pour parler du génocide. Mais d'une part, on est chez Little aux antipodes d'une quelconque fascination pour l'horreur, et d'autre part, comme le dit Johan Chapoutot, l'historien français de référence sur le nazisme. Il faut arrêter de considérer que les nazis étaient des fous, des barbares ou des monstres, qualificatifs faciles qui nous privent de toute réflexion et éludent toute explication réelle. Il nous faut au contraire affronter le fait que les nazis étaient des humains comme nous, pour expliquer comment des hommes ordinaires, qui avaient à la base aucun penchant criminel, ont participé au pire crime de l'histoire. Alors le livre est divisé en plusieurs parties de taille très inégale et qui portent des noms de danse. La première partie, donc je vais résumer dans un premier temps, faire un bref résumé de l'histoire avant d'entrer dans beaucoup plus de détails par la suite. Donc dans la première partie du livre s'appelle Toccata. Le récit en fait commence par un saut en avant dans les années, peut-être dans les années 60. Max Haué nous annonce qu'il va écrire ses souvenirs. Il explique qu'il a été sauvé à la fin de la guerre car il se fait passer pour un travailleur français. Il parle un français parfait, Max Haué, parce qu'il est franco-allemand. Il est donc passé en France, a échappé au procès, s'est marié, a eu des enfants et est devenu chef d'entreprise. Il mène une vie bourgeoise. Ses proches ignorent alors tout de ce qu'il a fait pendant la guerre. La partie suivante s'appelle Allemande 1 et 2. C'est une partie beaucoup plus longue et on a là le début du récit de la guerre. L'action débute avec l'opération Barbarossa, qui est l'invasion de l'Union soviétique par l'Allemagne nazie, qui débute à la fin du mois de juin 1941. Max Haué participe à l'extermination par balle de juifs et de communistes dans les zones de l'URSS qui sont occupées par la Wehrmacht, l'armée allemande, en Ukraine, puis en Crimée, puis dans le Caucase. Il est alors intégré dans les Einsatzgruppen, ces escadrons de la mort SS, et le narrateur travaille au SD, plus précisément, c'est-à-dire le service de renseignement de la SS. Son boulot principal, c'est plutôt d'écrire des rapports, c'est pas de tuer. Mais il va participer néanmoins activement au génocide puisqu'il est chargé d'établir des listes de personnes à tuer. La partie suivante s'appelle Courante. En décembre 1942, Max est envoyé contre son gré à Stalingrad lors de la contre-offensive finale de l'armée rouge en train d'anéantir la 6e armée allemande. La mission de Max Haué est alors d'enquêter sur le moral des troupes de la Wehrmacht. Mais en janvier 1943, un mois après, il va recevoir une balle d'un sniper soviétique qui lui traverse la tête mais sans le tuer. Il se réveille alors dans la partie suivante qui s'appelle Sarabande, en février 1943, un mois après. Il se réveille donc blessé et miraculé dans un hôpital de Berlin où Himmler, en personne, vient lui décerner une médaille de guerre. Il entame alors une convalescence de 3 mois en Poméranie, région du Reich qui se situe près de la Baltique, puis en France, à Antibes notamment, où sa mère vit avec son beau-père. Il y reste quelques jours. Et le jour de son départ d'Antibes, pour rentrer à Berlin, il retrouve entre guillemets, les cadavres de sa mère et de son beau-père assassinés dans leur maison. La partie suivante s'appelle Menuet. En mai 43, après sa convalescence, Himmler confie à Haué une mission dans les camps, celle de maximiser la production à l'intérieur de ces camps et d'enquêter sur la corruption des SS. Haué va alors alterner entre son travail dans un bureau à Berlin où il fréquente notamment Eichmann et Speer, et la visite de camps de concentration et d'extermination, notamment Belzec, Auschwitz, Buchenwald et Orientenburg. Puis au printemps 1944, il va participer à la déportation des Juifs de Hongrie, tout en étant à Berlin rattrapé par une enquête sur le double assassinat de sa mère et de son beau-père, où il va subir différents interrogatoires de la police. En janvier 1945, à la fin de cette partie, il encadre les marches de la mort, ces célèbres marches forcées pour évacuer les détenus de la Pologne vers les camps allemands et pour tenter de cacher les crimes nazis aux alliés. L'avant-dernière partie s'appelle R. Ça recouvre quelques semaines au printemps 1945. Max Haué a été blessé dans un abri par un bombardement à Berlin. Il part alors en convalescence seul dans la maison de campagne de sa sœur en Poméranie, une région, donc la région du Reich près de la Baltique, pendant que l'armée rouge avance rapidement vers Berlin. Enfin, retrouvé par son ami SS Thomas, il effectue avec lui un trajet périlleux de quelques semaines entre la Poméranie et Berlin, en se cachant de l'armée rouge qui est déjà dans la zone. L'action se termine à Berlin par une succession de scènes apocalyptiques, scènes de course-poursuite et scènes de crime. Nous sommes de retour sur Radio Dieu dans l'émission Qui ou quoi, et je vous parle ce soir des Bienveillantes de Jonathan Little, roman monumental, donc une lecture à la fois très longue, mais aussi absolument passionnante et très éprouvante, puisqu'on est plongé directement dans l'horreur du génocide des Juifs et dans les régions où il a fait le plus de victimes, c'est-à-dire à l'est de l'Europe, en Ukraine, en Russie, en Pologne ou encore en Hongrie. Alors durant la guerre, le narrateur, Max Haue, côtoie plein de personnages fictifs comme lui, mais aussi des célébrités historiques. Il verra Hitler 2 ou 3 fois dans sa vie, mais il fréquente de beaucoup plus près d'autres figures tristement célèbres du nazisme, notamment Heinrich Himmler, le chef de la SS, désigné toujours dans le roman par son grade, Reichsführer. D'ailleurs, à ce propos, le livre foisonne de termes en allemand, et chose très utile, il comporte un glossaire à la fin. Max Haue fréquente également Otto Ohlendorf, commandant d'un Einsatzgruppe. Il fréquente Adolf Eichmann, responsable des affaires juives au sein de la Gestapo, Albert Speer, maître de la production industrielle du Reich, Rudolf Höss, commandant du camp d'Auschwitz. Et d'ailleurs, sur Höss, il faut lire une autre autobiographie fictive incontournable qui est « La mort est mon métier » de Robert Merle. Il a fréquenté Heinrich. Heinrich est assez peu présent dans ce livre, notamment parce qu'il va être assassiné en mai 1942 par des résistants à Prague. C'est l'objet d'ailleurs du roman « HHHH » de Laurent Binet. Heinrich, néanmoins, est important dans l'histoire. D'une part parce qu'il a confié une mission d'espionnage à Max Haue en France en 1939, donc avant le début du récit. Et d'autre part parce qu'il va organiser la conférence de Wannsee qui va officialiser la solution finale. Max Haue n'est pas un nazi de la dernière heure. Il fréquente aussi des fascistes français. Par le passé, il a participé à la tentative du coup d'État fasciste du 6 février 1934 à Paris. Il connaît aussi personnellement Louis-Ferdinand Céline, Charles Maurras, Robert Brasillac, Lucien Rebattet, qu'il retrouve lors d'une convalescence à Paris en 1943. Le récit du roman commence réellement avec l'invasion de l'URSS, donc durant l'été 1941, dans l'idéologie nazie. L'Est de l'Europe, c'est l'espace vital, c'est absolument central dans la théorie des nazis. Cet espace très vaste, dont ce qu'ils appellent la race allemande, a besoin pour se perpétuer. Il s'agit d'en prendre le contrôle et d'éliminer une partie de la population, les autres devant servir d'esclaves. Dès le mois de mars, quelques mois auparavant, Hitler a donc annoncé cette guerre d'extermination contre le bolchevisme aux officiers de l'armée. La Wehrmacht commet donc de très nombreux crimes de guerre, des massacres de prisonniers sans aucun respect pour les règles de la guerre qu'elle a pourtant respectées en France un an auparavant. L'armée allemande est suivie et renforcée surtout par 4 Einsatzgruppen, c'est-à-dire des groupes d'intervention qui rassemblent au total environ 3000 SS. Cette milice du Reich constituée de nazis fanatisés totalement dévoués à Hitler. Leur mission est d'exterminer les juifs et les communistes, et ce dès avant la décision officielle de la solution finale. L'espace de l'Est, l'URSS, est placé d'emblée hors la loi. Les troupes et les SS y ont une liberté d'action totale pour perpétrer leurs crimes. La distinction entre civils et militaires y est abolie. Les soldats tuent des milliers de gens, donc les soldats de la Wehrmacht, hein, souvent, parfois pour un regard de travers, et attendent l'arrivée des SS qui arrivent derrière eux pour terminer le boulot. Cet espace a un traitement totalement différent des zones occupées à l'ouest de l'Europe, comme la France, où on réprime en tuant des otages. À l'est, on ne prend pas la peine de faire des otages, on assassine des villages entiers en guise de représailles. En URSS, il y a eu ainsi l'équivalent de 5000 oradours sur glane. 5000 villes et villages dont on a liquidé entièrement la population. Il y a un film soviétique qui était sorti en 1985 qui traite de cette extermination en Biélorussie, Requiem pour un massacre. Les Einsatzgruppen, au total, ont assassiné plus d'1,5 million de juifs sur les 6 millions tués au total dans le génocide. Dans Barbarossa, l'historien Jean Lopez qualifie ces Einsatzgruppen de portiers du génocide. Pourquoi ? Parce qu'ils ont commencé l'extermination des hommes, des femmes, des enfants, avant même que le génocide ne soit officiellement acté, notamment par Hitler, sans doute en décembre 1941. Max Haue, narrateur, va ainsi participer aux événements tristement célèbres. D'abord, les terribles pogroms de Lviv, des massacres donc incités par les SS, organisés par les Ukrainiens nationalistes de l'UNB pro-nazi et exécutés par la foule pendant environ 24 heures. 6000 juifs sont assassinés par la population, puis 3000 par les SS. Little montre parfaitement ici l'utilisation d'auxiliaires pris dans les populations locales anticommunistes, ce qu'on a appelé les Iouis, des Ukrainiens, des Lettons, qui accompagnait les troupes allemandes, habillées en civil mais portant des brassards à croix gammée. Il participe ensuite au pogrom et à l'extermination à Jytomyr en août 1941. À cette date, le processus génocidaire est déjà enclenché, puisque depuis la fin du mois de juillet, 6 mois avant la conférence de Wannsee, on élimine déjà indistinctement hommes, femmes et enfants. En septembre, Haüy participe au terrible massacre de Babi Yar. Fin septembre 1941, il s'agit sans doute du plus grand charnier de l'histoire humaine. 33 000 morts en 36 heures, des milliers d'autres les jours suivants. Dans un grand ravin, creusé aux portes de Kiev, dans lequel on fusille les victimes. Haüy fait avant tout du renseignement, mais il va recevoir l'ordre ici d'achever les blessés au fond de la fosse, dans une scène horrible où il marche sur les cadavres entassés les uns sur les autres, au milieu du sang, des cervelles et des excréments. Il assiste ensuite aux pendaisons de civils lors de la prise de Kharkiv, en Ukraine, en octobre, puis va assister à la continuation des massacres durant l'année 1942 dans le Caucase, où l'on combine fusillades et gazages dans des camions. Alors, le gaz a été utilisé dès 1939 pour euthanasier des malades mentaux en Allemagne. Cette méthode est reprise ici pour alléger les séquelles psychologiques pour les assassins. Par ailleurs, le gaz a été utilisé la première fois à Auschwitz dès septembre 1941 pour assassiner des milliers de prisonniers soviétiques. Ces crimes de masse commis par les Allemands vont les desservir totalement d'un point de vue stratégique d'ailleurs, puisqu'ils vont ressouder la population soviétique autour de Staline, alors même que l'anticommunisme, y compris en Russie, concernait des parties entières de la population. Das Auge blickt, Moor und Heide nur ringsum. Vogelsang uns nie erquickt, Eichen stehen kahl und krumm. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. We'll be right back. Nous sommes de retour dans l'émission Radio Dio, sur Radio Dio, dans l'émission Qui ou Quoi. Et je vous parle ce soir du roman de Jonathan Little, Les Bienveillantes. Le roman dans lequel le génocide des Juifs est un thème central, évidemment, mais le livre a aussi le mérite de nous rappeler aussi que durant l'occupation de l'URSS, il y a eu énormément de victimes non-juives. En premier lieu des communistes, puisqu'Hitler veut faire une guerre exterminatrice contre le bolchevisme. Hitler d'ailleurs est obsédé par ce qu'il appelle la race judéo-bolchevique. Parmi ces victimes, il y a aussi plein d'opposants potentiels. Et le roman liste de nombreuses catégories de personnes tuées par les Einsatzgruppen. Des tziganes, des pillards, des prisonniers de guerre de l'armée rouge, des paysans qui cachent leurs grains, des malades sortis des asiles considérés comme indignes de vivre, ou encore des fonctionnaires soviétiques. De fait, les catégories à tuer n'étaient pas définies précisément. La décision était laissée aux SS sur le terrain. Au total, certaines sources ont compté plus de 9 millions de civils non-juifs tués lors de l'occupation allemande qui a duré 3 ans, en dehors même des morts tués en déportation. Le roman de Little nous rappelle bien que les nazis prévoyaient d'éliminer une partie des Slaves non-juifs, polonais et russes notamment, par la famine. Le roman montre aussi que les nazis justifient leurs exactions par celles du NKVD, la police politique soviétique, par exemple à Lviv, en Ukraine, où un charnier est découvert dans une prison du NKVD. Ces exactions, qui sont indiscutables, ont été exploitées par la propagande de Goebbels. Elles ont servi aussi de prétexte aux troupes allemandes à massacrer massivement. Jean Lopez a cependant rappelé que les crimes soviétiques ont fait incomparablement moins de victimes allemandes durant l'été 41 que les crimes nazis. Les victimes se comptent en milliers d'un côté, en centaines de milliers de l'autre. Le roman de Little nous montre très bien comment les SS qui hésitent à perpétrer les crimes, qui en souffrent, sont culpabilisés. Hitler, Himmler, Eichmann n'ont cessé de rappeler que le crime n'était pas de tuer les Juifs, mais d'hésiter à le faire, car cela mettait en danger le Volk, la race allemande, puisqu'il existait, selon eux, selon la théorie nazie, un complot juif visant à les exterminer. Le roman de Little nous montre bien que les fusillades rendent fous cependant une partie des SS, souvent éclaboussées au sens propre par le sang de leurs victimes, et qu'elles sapent le moral des troupes. Ces séquelles sont très bien évoquées dans le roman. Devoir fusiller des civils entraîne des conflits, des dépressions, de l'impuissance sexuelle, de l'alcoolisme, des suicides, des meurtres entre officiers SS. Y compris chez Max Haue lui-même, qui nous confie tout au long du récit ses cauchemars dans le détail, ses angoisses, ses hallucinations, mais aussi ses diarrhées, ses vomissements incontrôlables qui le prennent dès Jytomyr en août. Ses problèmes psychiques lourds, ainsi que l'ordre de génocide de Hitler sans doute donné en décembre 1941, ont poussé Heydrich à organiser la conférence de Wannsee, non évoquée directement dans le roman, mais qui va être malgré tout décisive pour les événements qui y figurent, puisque cette conférence va officialiser le génocide au sein de l'appareil d'État nazi, que tous les moyens vont être désormais mobilisés pour cette extermination et que les fusillades vont être remplacées par le gazage dans des chambres à gaz, des centres de mise à mort. Cette conférence va ainsi servir à intensifier et accélérer le génocide tout en soulageant la conscience des assassins qui ne se voient plus assassinés. En 1943, Max Haue visite des camps d'extermination. Belzec, Sobibor, il visite également Auschwitz, dont le roman nous livre une description très fidèle. Description fidèle d'abord des différents camps de ce très grand complexe. Le camp principal d'Auschwitz I, surtout destiné aux prisonniers politiques polonais. L'immense camp de Birkenau, Auschwitz II, et ses 4 crématoires qui tournent à plein régime en permanence. L'usine de l'entreprise IG Farben à Monowitz, à quelques kilomètres, et les petits camps auxiliaires. Une description très fidèle également des sélections à l'arrivée des détenus par des médecins SS qui décident en quelques secondes de qui est apte au travail et qui est voué directement à la mort dans les chambres à gaz. Ces sélections se sont faites essentiellement à Auschwitz. Pourquoi ? Parce que c'est le seul camp mixte qui combine camp de concentration et camp d'extermination. Une description fidèle des gazages également, qui permettent d'assassiner dans le calme les victimes ignorant tout de leur sort jusqu'au dernier moment, qui évite aussi la panique des SS. Leur seule mission est de lâcher des capsules de gaz à travers une trappe et de la refermer ensuite. Ils ne voient pas les gens mourir, ils ne s'occupent pas des cadavres. C'est le rôle des Sonderkommando, des détenus juifs chargés de brûler les corps dans les crématoires et promis eux-mêmes à une mort prochaine. Ces Sonderkommando ont été mis en scène dans un très bon film hongrois, Le fils de Saul, sorti en 2015. Une description très fidèle également dans ce roman de la fameuse fumée noire sortant des crématoires et de l'odeur épouvantable qui flotte en permanence, qui explique qu'en Pologne, personne ne pouvait vraiment ignorer ce qui survenait dans les camps, comme l'a bien montré d'ailleurs le film Shoah de Lanzmann. Une description fidèle du vol organisé et massif des biens des victimes, invités à venir avec des valises contenant jusqu'à 50 kilos de bagages par personne, bien qu'ils sont volés et triés dans une région du camp d'Auschwitz qu'on appelle le Canada. Dans le roman de Little, les discours nazis sont truffés des fameux euphémismes qui ont servi à masquer la nature de ces crimes. Solution finale, bien évidemment, pour désigner le génocide, grande action, qui désigne le massacre de Babi Yar, population transportée plus loin pour les déportations, en wagons à bestiaux, et personnes traitées de manière appropriée ou encore mesures exécutives pour désigner les assassinats. Max Haue assiste au célèbre discours de Posen, où Himmler parle en octobre 1943 et où ce langage codé va être subitement abandonné au sein de l'appareil nazi. Le secret d'état du génocide y est subitement dévoilé au grand jour devant les SS et les hauts responsables du régime. Ce discours n'a déclenché aucune protestation. Alors que l'Allemagne est en pleine débâcle, Max Haue participe ensuite à l'invasion de la Hongrie, où les nazis déportent avec la complicité du gouvernement pro-nazi hongrois 400 000 juifs de Hongrie, dont 350 000 seront immédiatement gazés à Auschwitz, quand ils n'auront pas déjà péri dans les wagons à bestiaux. Enfin, dès la partie introductive, le roman nous rappelle à juste titre qu'il n'y a pas eu de véritable dénazification par la suite en RFA. Il y avait eu des procès à Nuremberg, mais ils n'ont concerné qu'une petite minorité des criminels, dans un contexte de début de guerre froide où l'ennemi des alliés était désormais l'URSS. Max Haue affirme que nombre de ses anciens collègues SS vivent tranquillement en RFA. Certains ont purgé une petite peine, d'autres n'ont jamais été inquiétés. Max Haue ajoute « Les gens oublient vite, je le constate tous les jours. » Erstes Geschoss. Ihr Leben, die Blinden, die glauben, was sie sehen, und die Tauben, die glauben, was sie hören. Festgebunden auf einem Küchenhocker sitzt ein Irrer, der glaubt alles, was er anfassen kann. Seine Hände liegen im Schoß. Zweites Geschoss. Rolle für Rolle rauf, also tapeziert in den Gängen stehen Mieter herum. Betrachten die Wände aufmerksam. Suchen da auf Bahn um Bahn nach Druck und Rechtschreibfehlern. Könnten nicht mal ihren Namen entziffern. Auf ins nächste Geschoss. Welches und wunder nie fertiggestellt nur über die Treppe erreicht werden kann. Hier lagern Irrtümer, die gehören der Firma. Damit kacheln sie die Böden an, die darf keiner ran. Viertes Geschoss. Hier lebt der Architekt, der geht auf in seinem Plan. Dieses Gebäude schmeckt voller Ideen. Türen, die führen halt ins Freie oder besser gesagt in den Grundstein. Darin warten wer will und 12 Gruppe Beton, Grundstein Lego. Grundstein Lego, Lüge, Lüge, Lüge. Gedanken, Gäste sind gestrichen in Kopfhöhe braun, in Farm, katholisch, violett, zur besseren Orientierung. Dachgeschoss. Schein im Dachschild sitzt ein alter Mann auf dem Boden, tote Engel verstreut. Zwischen den Knien hält er ein Gewehr, er zielt auf seinen Mund. Und in den Schild, durch den Schild und aus dem Schild, aus dem Dampfes dringt das Geschoss. Gott hat sich erschossen, ein Dachgeschoss wird ausgebaut. Gott hat sich erschossen, ein Dachgeschoss wird ausgebaut. Gott hat sich erschossen, ein Dachgeschoss wird ausgebaut. Gott hat sich erschossen, ein Dachgeschoss wird ausgebaut. Gott hat sich erschossen, ein Dachgeschoss wird ausgebaut. Nous sommes de retour sur Radio Dio dans l'émission Qui ou Quoi. Et nous parlons ce soir des bienveillantes de Jonathan Little. Jonathan Little qui restitue très bien l'idéologie nazie dans ce roman. Idéologie qui a été étudiée en profondeur par ailleurs par l'historien Johan Chapoutot, incontournable sur le sujet, notamment dans la loi du sang, penser et agir en nazie. Alors les discours antisémites et racistes, socle de cette idéologie, sont évidemment omniprésents dans le récit, notamment à travers les dialogues. C'est la grande différence d'ailleurs entre le nazisme et le fascisme de Mussolini. Dans le nazisme, les critères raciaux sont systématiquement mobilisés dans tous les domaines. On a deux exemples dans le livre, plus de deux exemples, mais je vais vous en parler de deux. Le narrateur Max Haue manque de se faire refuser un poste par Himmler pour impureté raciale parce qu'il a une mère française, la SS, se doit d'être parfaitement pur racialement. Himmler fait une exception pour lui parce qu'il a manqué d'être tué à Stalingrad. Et sur le double assassinat dont est soupçonné Haue, le même Himmler va pourtant le laver de tout soupçon en utilisant des arguments raciaux. Il le qualifie, je cite, « de spécimen nordique parfait avec peut-être une touche de sang alpin, loin des races dégénérées concernées par les matricides ». Alors en lien avec cette idéologie raciste, les femmes sont mises clairement au service des hommes, à travers la politique du Lebensborn qui est évoquée dans ce livre, suivant laquelle les femmes allemandes sont sommées d'offrir leur corps aux SS. Une bonne allemande se doit aussi d'accepter les infidélités de son mari au nom du développement du folk. À plusieurs reprises dans le récit, des femmes proposent spontanément leur service sexuel à Max Haue pour perpétrer la race. Le roman exprime bien l'idée nazie aussi que l'élimination des juifs est plus que nécessaire, qu'elle est vitale pour la race allemande. Par exemple, le docteur Wirth, qui procède aux sélections à Auschwitz, envoyant des milliers de personnes aux chambres à gaz, déclare à Haue « C'est un travail effroyable, mais il faut que ce soit fait ». On retrouve cette réaction chez Ohlendorf, pour qui le génocide est une tâche affreuse, mais nécessaire, parce que les juifs sont un danger permanent. Lorsqu'Haue apprend au docteur Oeneg, personnage fictif qui s'efforce d'améliorer l'alimentation des détenus des camps, que les inaptes au travail sont tous tués, le docteur, qui ne le savait pas, tombe sous le choc. Puis il se ressaisit en déclarant « Au fond, c'est normal. Les soviétiques font pire avec les prisonniers allemands en Sibérie. » Ces discours reprennent les arguments classiques de Hitler, Himmler et Heydrich. À l'heure de la défaite, cette idéologie va se retourner contre les Allemands, Hitler considérant qu'ils méritent de mourir puisqu'ils n'ont pas été à la hauteur de leur supériorité raciale. À partir de Stalingrad, des centaines de milliers de soldats allemands vont être sacrifiés par le refus de Hitler d'autoriser la retraite de l'armée. En avril 1945, pendant l'invasion alliée, les civils allemands doivent montrer qu'ils croient encore dans la victoire au risque d'être condamnés à mort dans des procès expéditifs. Goebbels, ministre de la propagande, en sera alors réduit à promettre aux Allemands une mort facile par le gaz en cas de défaite. Goebbels, qui va assassiner ses propres enfants avant de se suicider dans le bunker de Hitler, scène terrifiante du film La Chute. Dans le roman, il n'est pas question de cette scène. Par contre, on voit le dernier concert de l'orchestre philharmonique de Berlin. Et durant ce concert, les jeunesses hitlériennes distribuent des capsules de cyanure au public. Un autre aspect intéressant, c'est que le livre de Little rappelle aussi le rôle central des industriels dans les crimes nazis. On y croise plusieurs entreprises, notamment l'IG Farben, incontournable, inventeur du gaz Zyklon B, celui qui sert à assassiner dans les chambres à gaz. L'entreprise, par ailleurs, ne cesse de renvoyer des travailleurs inaptes de ses usines de Monowitz vers Birkenau, où elle sait pertinemment qu'ils se font gazer. On croise aussi les entreprises SS Ostindustrie GmbH, la Mittelwerke GmbH, deux entreprises qui exploitent le travail des détenus dans les camps. On croise aussi la Cori ainsi que la Topf und Schöne, deux entreprises concurrentes qui produisent les fours crématoires. Depuis la guerre froide, il y a un discours récurrent qui a consisté à rapprocher le nazisme et le communisme. le fameux discours sur les deux extrêmes qui se rejoignent, qui a pour but de présenter le libéralisme comme le seul modèle viable. Ce discours néglige des aspects essentiels sur lesquels le roman ne met pas forcément l'accent, mais qu'il est utile de rappeler. D'une part, le nazisme a été dès son origine une lutte à mort contre le communisme. Le parti s'est formé contre la révolution allemande de 1918 et pour éviter une nouvelle révolution communiste. D'autre part, la montée du nazisme dans les années 20 et 30 ne se serait pas faite sans le soutien des grandes firmes capitalistes comme la Krupp, la Reichsbank, Hugo Boss, Porsche, Ford ou encore des banques suisses et américaines. De plus, Joan Chapoutot a montré dans son livre « Libre d'obéir » que le management, que le capitalisme contemporain apprécie tant, a des origines dans l'Allemagne nazie. Pour en revenir au roman de Little, il montre bien que le crime est entièrement banalisé, ce qui fait que beaucoup de nazis se vivent eux-mêmes comme des modérés, à commencer par Max Haue lui-même. Max Haue, c'est un SS terrifié par l'ordre de fusiller, que les fusillades des Einsatzgruppen rendent littéralement malade. C'est un SS qui, en 1943, fait tout pour éviter un nouveau poste lié à l'extermination, en vain. Un SS qui ne se considère pas lui-même comme un vrai antisémite, parce qu'il n'a pas l'antisémitisme obsessionnel de certains de ses collègues qui aiment tuer des juifs de leurs mains. Mais qu'il l'est malgré tout, puisqu'il adhère à l'idée que les juifs sont une race dangereuse. C'est un nazi. Un SS tantôt choqué par l'extermination, tantôt qui affirme, comme Hitler, que c'est un acte d'autodéfense face à un péril immédiat. Un SS qui, en Hongrie, tente de sauver des vies juives, certainement pas par humanité, mais pour obéir à l'ordre qu'on lui a donné d'augmenter la production dans les camps, ce qui implique de faire survivre les détenus. Un SS scandalisé par l'attentat contre Hitler en juillet 1944. Par ses aspects, Haue ressemble à un SS assez typique. Mais par d'autres aspects, Little a choisi un personnage central hors norme, à l'histoire personnelle particulièrement torturée. Il a été harcelé à l'école. Son père a abandonné la famille définitivement quand Max avait à peu près 8 ans. Quelques années après, la mère a emmené Max et sa sœur vivre en France, où elle s'est remariée. Jusque-là, c'est assez banal. Moins banal, par contre, vers 11-12 ans, Max a une relation incestueuse consentie avec sa sœur jumelle, Una, dont il est tombé fou amoureux, et qu'il présente encore, à l'âge adulte, comme la femme de sa vie. Il parle d'une grande catastrophe survenue à l'âge de 13 ans, quand leur mère et leur beau-père ont surpris leurs ébats et les ont séparés en les mettant dans des collèges éloignés des centaines de kilomètres. Par la suite, Haue n'a eu que des rapports homosexuels, qu'il a encore régulièrement durant ses années à la SS. Or, pour le parti nazi, l'homosexualité des Allemands est pire qu'une dégénérescence. C'est un crime contre la perpétuation de la race. Être homosexuel, c'est donc très atypique pour un SS, puisqu'on risque la peine de mort immédiate. C'est aussi un SS particulièrement cultivé. Totalement bilingue, il a les deux nationalités, française et allemande. Il parle français sans accent. Il a fait Sciences Po à Paris. Il lit beaucoup. Il a une très grande culture générale, donc il est peu représentatif. Bien qu'il ait existé des intellectuels nazis. Mais lui, Max Haue, lit davantage de grands classiques que d'auteurs nazis. Il lit surtout Kant, Hegel, Plutarque, Stendhal, Bossuet ou Hérodote, pour n'en citer que quelques-uns. C'est enfin un SS qui tue sa mère et son beau-père. Le titre du livre fait référence à des déesses de la mythologie grecque qui pourchassaient les hommes coupables d'avoir commis des crimes, en particulier contre des membres de leur famille. Ces déesses apparaissent dans l'Orestie d'Eschyle, un poète grec ancien. C'est donc un SS matricide, ce qui est particulièrement atypique. On n'a donc pas affaire ici à un SS ordinaire. Et beaucoup de critiques adressées à Little ont porté sur ce choix d'un personnage hors du commun et peu crédible. Laurent Binet, dans son roman HHHH, alors je ne sais pas si le titre se prononce comme ça, mais c'est une série de 4 lettres. Il fait une remarque assez drôle et intéressante sur les bienveillantes. Il dit que Max Haue est un personnage totalement torturé et donc davantage un reflet de notre époque que de l'époque nazie. Pour Laurent Binet, Max Haue, ce serait plutôt Welbeck chez les nazis. En fait, le parti pris littéraire est assumé par Little, comme l'atteste le titre du roman. Little reconnaît que son personnage n'est pas forcément crédible, mais il justifie son choix en ajoutant qu'un bourreau crédible n'aurait pas pu écrire ses souvenirs. Les bourreaux ne racontent pas leurs crimes en livrant des états d'âme. S'il y a des passages effectivement peu crédibles, ils n'en rendent pas moins la lecture de ce roman poignante et incontournable d'un point de vue historique. Something is wrong. He falls. Trust me. something is wrong. Nous sommes de retour sur Radio Dio dans l'émission Qui ou Quoi pour une dernière partie de cette émission sur Les Bienveillantes de Jonathan Little, une œuvre, un roman qui raconte parfaitement ce qu'on pourrait appeler la jungle national-socialiste. Il met à juste titre l'accent sur la nullité stratégique, la désorganisation totale qui règne bientôt dans les troupes allemandes. Dès 1941, année de l'opération Barbarossa en URSS, la Wehrmacht, l'armée allemande, s'embourbe littéralement, confrontée à de multiples problèmes, à commencer par des erreurs stratégiques majeures. Par exemple, la décision même d'attaquer l'URSS dans ces circonstances, après avoir dispersé les forces sur plusieurs fronts. Ces erreurs sont d'abord dues à l'idéologie nationale-socialiste elle-même. L'invasion de l'URSS a été en effet fondée sur la croyance en l'infériorité raciale de ce qu'ils appelaient la race judéo-bolchevique et l'idée que les Slaves étaient des sous-hommes, ce qui a impliqué une arrogance, une surestimation de l'armée allemande. Par exemple, les effectifs mobilisés pour occuper l'Union soviétique sont très insuffisants, tout comme le nombre de chars pour attaquer Moscou. Un des symptômes, c'est que Hitler annonce la fin de l'Union soviétique en octobre 1941, alors que l'armée allemande n'est même pas aux portes de Moscou. L'opinion allemande, ne voyant pas de communiqué de victoire arriver les semaines qui suivent, va vite déchanter. Ce racisme implique aussi un mépris total des forces, de la capacité industrielle, de l'économie planifiée et de la stratégie soviétique. Un mépris de la capacité soviétique à lever de nouvelles armées pour remplacer les armées détruites. Et une sous-estimation de la capacité soviétique à évacuer les usines d'armement vers l'arrière. Ce racisme implique enfin une incapacité à reconnaître les erreurs commises, puisque la race allemande est censée être infaillible. Les Allemands partent donc, en juin 1941, convaincus qu'ils vont vaincre l'URSS en quelques semaines. L'invasion va se heurter très rapidement à une résistance soviétique inattendue. La jungle nazie, ce sont aussi les problèmes logistiques immenses. Au-delà des défaillances du réseau ferroviaire qui sont les plus connus, les problèmes de logistique sont catastrophiques dans une guerre qui repose sur l'industrie. L'hiver arrive. En Russie, les températures inférieures à moins 20 degrés sont totalement habituelles et aucun équipement n'a été prévu pour les soldats déjà épuisés. Pas de vêtements chauds, pas d'antigel ni d'huile de graissage pour les armes et pour les véhicules, des vivres et du carburant en quantité insuffisante. Ce terrible hiver 41, où la Wehrmacht échoue à prendre Moscou, le premier signal de la défaite allemande à venir. Hitler et l'historiographie ont accusé la météo, mais celle-ci était totalement prévisible, comme l'écrit Jean Lopez. La Wehrmacht n'avait aucune chance de prendre Moscou, même avec un hiver doux. Elle n'avait ni les effectifs, ni la logistique, ni le moral pour y arriver. Ce même hiver, 12 divisions allemandes sont perdues à cause du gel et des maladies, de soldats qui meurent de froid, de dysenterie, de malnutrition, de diarrhée mortelle, et certains sont amputés. Un symptôme de ces problèmes logistiques, c'est quand Max Haue est envoyé à Stalingrad en décembre 1942. Une erreur d'aiguillage est commise. Il doit faire des détours, prendre des vols supplémentaires et arrive avec 3 semaines de retard. Les rations des soldats sont alors tombées à moins de 1000 calories par jour. La jungle nazie, ce sont aussi des problèmes de discipline majeurs dans l'armée et dans la SS. Dès octobre 1941, à Kharkiv, les soldats sont déjà épuisés et commettent viols et pillages. Très vite, l'ambition personnelle de certains SS va supplanter le service rendu au Reich. Les soldats qui rejoignent Stalingrad en décembre 1942 sont généralement formés à la hâte, souvent hors d'âge, parfois convalescents ou permissionnaires. À Stalingrad, l'armée allemande va d'ailleurs exécuter davantage d'Allemands que de Russes pour désobéissance, désertion, automutilation ou espionnage. L'enchevêtrement institutionnel fait que Max Haue, comme d'autres, ne savent plus à qui ils doivent obéir. La multiplication d'ordres contradictoires auxquels Haue est directement confronté. Dans les camps, par exemple, sa mission, ça va être de sauver les détenus pour augmenter la production. Elle va se heurter directement à l'ordre d'extermination totale donné par Himmler et Eichmann, qui vont le mettre en échec. On assiste ici à une aberration, puisque le génocide s'est imposé comme étant la priorité première au détriment des impératifs de production qui auraient permis de défendre le pays. Dans les camps, la corruption est généralisée chez les SS, qui détournent les biens volés aux Juifs et destinés au Reich. L'or des prothèses dentaires, la nourriture destinée aux détenus. Fait emblématique, on y voit la femme de Rudolf Höss porter les petites culottes de juifs gazés. En réalité, ces problèmes de discipline tiennent à l'essence même du nazisme, qui laisse volontairement une autonomie totale aux SS et aux administrateurs dans l'application des ordres. Cette élasticité des lois soumises au Volk a été très bien expliquée par Johann Chapoutot. Dans le roman de Littell, la situation est bien résumée par Thomas, ami SS du narrateur qui explique à Haue que les ordres sont volontairement vagues et qu'un bon nazi doit deviner et même devancer les intentions des donneurs d'ordre. C'est donc le principe même du système qui entraîne tous ces désordres. Une autre dimension très présente dans le roman, c'est la relation globalement très altérée entre les nazis et le réel et l'ampleur de la culture du mensonge. Il y a un décalage énorme entre la réalité vécue par les soldats à Stalingrad et les communiqués militaires qui, au pire, annoncent la victoire, au mieux restent muets. Un des symptômes, c'est qu'en février 1943, Max Haue rentre à Berlin, qui fait la fête en permanence alors qu'on est en plein désastre militaire et alors que la 6e armée vient d'être anéantie. En toute logique, la Wehrmacht sera la première touchée par le doute et ce sont des militaires qui mèneront la tentative d'assassinat contre Hitler en juillet 1944, évoquée dans le roman. Max Haue, ici encore, est un cas à part, puisqu'il est plus lucide que la moyenne. Peut-être parce qu'il est dans le renseignement. En tout cas, il doute de la victoire dès 1941 et il se rend compte des dysfonctionnements de l'armée. Mais quand il évoque ses doutes à ses collègues, on coupe court. On le traite de mou, de défaitiste, de pessimiste. On lui dit qu'il pense trop. Autant d'attitudes considérées comme criminelles aux yeux des dirigeants nazis. En revanche, comme les nazis, Max Haue se blanchit en reprenant les arguments classiques de Hitler et Himmler, ceux qui sont repris par les criminels jugés à Nuremberg. Quels arguments ? Les Juifs nous auraient fait la même chose, ils voulaient nous exterminer. Après tout, les Anglais ont fait pareil dans leur colonie. Ou encore, la condamnation des crimes nazis n'est que la loi du vainqueur. Comme la plupart des nazis, Max Haue se coupe aussi fréquemment du réel et tombe régulièrement dans le déni, y compris pour ses affaires personnelles. Alors qu'il est en danger de mort immédiat, il s'obstine à penser que l'homophobie du parti nazi est conjoncturelle et rhétorique et que Hitler va bientôt changer de politique à ce sujet. Il continue d'espérer une relation avec sa sœur en dépit du mariage de celle-ci et parle de trahison quand elle qualifie leur ancienne relation d'incestueuse. Il s'obstine à prendre en modèle leur père qui les a abandonnés et à haïr leur mère qui s'est occupée d'eux et qui réprouve les crimes nazis. Haine qui va le pousser au double crime. Dans un état hypnotique, Max Haue se réveille à Antibes. Il trouve les corps comme si l'assassin venait d'ailleurs, puis repart à Berlin. Il n'a aucun souvenir d'avoir tué. Mais ses vêtements pleins de sang seront retrouvés sur les lieux du crime. Max Haue commet d'autres crimes dans la débâcle. Il deviendra de plus en plus un criminel en puissance. Il tue un diplomate roumain qui était son amant. Il tue un vieux soldat allemand qui joue de l'orgue dans un hameau. Et pour finir, il va tuer son grand et loyal ami SS Thomas, ce qui va lui permettre de récupérer des vêtements, de se faire passer pour un travailleur français du STO et de passer en France et ainsi de sauver sa peau. À plusieurs reprises dans le roman, le rapport à la réalité du narrateur est totalement brouillé. Je vous donne deux exemples. Le 21 mars 1943, Max Haue assiste à un discours de Hitler et il voit le Führer paré de symboles judaïques sans que personne dans le public ne réagisse. Il voit le Hitler paré d'un châle bleu et blanc que portent les rabbins. Il le voit avec des papillotes le long des tempes et des phylactères sur le front. Max est totalement perdu. Il n'arrive pas à savoir si sa vision est réelle ou si c'est une hallucination. Autre exemple, en janvier 1943, à Stalingrad, dans un état hagard, il a vu son ami Thomas se faire éventrer devant lui, sortir des éclats d'obus de son ventre, les sucer puis refermer la blessure béante. Aoué, terrorisé, a classé ce souvenir au rang des hallucinations. Mais en octobre 1943, quelques mois après, à la piscine, il accompagne Thomas et voit la cicatrice énorme sur son ventre. Aoué écrit « J'avais subitement l'impression de ne plus pouvoir être sûr de rien ». Et c'est précisément l'état dans lequel il va terminer à la fin de la guerre. À la fin du roman, Max Aoué perd tout sens du réel et on le voit sombrer dans la folie. Un peu comme Hitler lui-même dans son bunker ou un peu comme la propagande de Goebbels. En mars 1945, en convalescence chez sa sœur qui est absente, donc il est dans la maison de sa sœur, tout seul, il trouve des lettres écrites par sa sœur qu'elle ne lui a jamais envoyées. Elle lui écrit qu'elle se doute que c'est lui qui a tué leur mère et elle lui écrit qu'elle a appris que leur père a été un horrible tortionnaire dans les corps francs, ces milices anticommunistes qui ont sévi après la Grande Guerre qui préfiguraient les SS. La réaction de Max Aoué, c'est que des jours durant, dans cette grande maison vide, il s'adonne à l'alcoolisme et à la masturbation sadomasochiste. Pris par des fantasmes incestueux, envahi par des visions hallucinatoires, il se coupe de toute réalité au moment même où ses camarades sont en train de périr sous l'invasion soviétique. Puis dans le dernier chapitre, de retour dans Berlin en ruine, on assiste à des scènes totalement improbables. On a l'impression d'être sans cesse transporté entre la réalité et la folie. En particulier une scène délirante qui a lieu dans le bunker de Hitler, où Aoué est censé se faire remettre une médaille par le Führer. Et alors que le Führer s'approche peu à peu de lui, il est subitement excédé par la forme de son nez et par sa mauvaise haleine. Et dans une sorte d'élan incontrôlable, Max se met à pincer le nez de Hitler et à lui secouer doucement la tête comme on le ferait à un enfant qui s'est mal conduit. Alors j'ai trouvé intéressante cette liberté littéraire qu'a prise Jonathan Little, ce mélange de lucidité et de folie qui prend de plus en plus de place au fil du roman, ce mélange de réel et de fantasme et cette perte du sens de la réalité qui renvoie à l'idéologie nazie elle-même et à la jungle national-socialiste. Et je citerai pour terminer les mots de Georges Samprin, écrivain, résistant et déporté, à propos de ce livre, je cite « Pour les générations des deux siècles à venir, la référence pour l'extermination des Juifs en Europe, ce sera le livre de Little, et ça ne sera pas les autres livres. » Eh ben, merci Tiffaine pour cette analyse. Un grand merci à toi. Merci pour l'invitation. Ça me fait toujours plaisir d'être là. Eh ben, j'espère à très vite. Eh ben oui, avec plaisir. On va voir si on fait plus de... Enfin, de toute façon, la porte est toujours ouverte. Tu es toujours la bienvenue. On avait dit qu'on applaudirait quand même. Mais non, mais... Bon. Merci à vous. Donc, bravo Tiffaine. Nous, donc, on se retrouve le mois prochain, donc premier jeudi du mois, ce sera le 1er février. Ce sera un petit peu moins dense. Et d'ici là, vous pourrez donc réécouter l'émission de ce soir en podcast sur le site de Radio Audio. Et donc, eh ben, d'ici le mois prochain, bonne nuit à tout le monde et puis à très bientôt. Bonsoir.